Ouais, la cité, ouais, on est là, représente. La cité, on est des racailles. On est là, moi et mon équipe. Le sixième le plus dangereux de France. C'est lui! Les sixièmes les plus dangereux de France. C'est nous! On n'est pas des petits. Non, on n'est pas des petits. Les garçons, les garçons! On n'est pas des petits. On est peut-être rikiki. Mais les troisièmes, c'est nos petits, viens là. J'ai hâte d'être au lycée! Mais on a des gros kikis! Oh! Ouais! Fais pas trop le kéké! Ouais! Sinon, on va te taper! On va te taper! Ouais, on va te taper! Ici, c'est chez nous! Ouais, c'est notre collège! C'est notre territoire! Ouais! Fuck les professeurs! Et fuck le directeur! Ouais! Fuck les professeurs! Et fuck le directeur! Du calme et allez-vous ranger, la récré, elle est bientôt finie. Et fuck les surveillants! Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Fuck les surveillants! Très bien, on va aller voir la CPE, viens avec moi. Un autographe, hein? Fuck la CPE! Eh ben, on va aller voir la CPE et on va appeler tes parents. Fuck mes parents!